amis, trésor de chevaucheurs, bonjour, quoi de neuf? Le retour du Covid est en force. Donald Trump évacué pour l'oreille en sang. Vous aurez bien sûr votre émission L'Apéritif Musette. Radio Chevauchoir 105.5, ils viennent avec vous en ce dimanche matin. L'émission Quoi de neuf, eh bien jusqu'à 9h30 et nous allons déjà écouter le premier morceau de chaque dimanche. C'est les anniversaires People. Les anniversaires People et aujourd'hui Dorothée, demain Arsène Lupin, mardi John Zarco, mercredi Cécile de France, samedi Henri Salvador, vendredi Bob Sinclair, samedi Brigitte Catilon, et dimanche prochain Charlotte Gainsbourg. Dorothée née en 1953, elle a la valise pour partir aujourd'hui. Il pleuvait de la crème pour bronzer, des cachets pour le mal de tête, des bonbons et mes lunettes, un peu de papier pour écrire, un pyjama pour dormir, une paire de chaussures à crampons et deux ou trois pantalons, du mouillon pour mon canari et un produit de réveil. Et des chaussettes, Roger jaune à tes poings. Et des chaussettes, Roger jaune à tes poings. Vous avez joué l'auto, vous êtes peut-être les heureux gagnants du 5, 13, 16, 38, 40, 44 et 45 pour le Joker Plus 157, 464, signe Sagittaire. On est le dimanche 14 juillet, nous fêtons aujourd'hui la fête nationale française. Et c'est la journée de l'orgue, c'est un mammifère marin qui pèse entre 3000 et 4000 kilos, le mâle mesure entre 6 à 8 mètres et la femelle de 5 à 7 mètres. Il voyage de 56 km/h. Vous pouvez les retrouver en, en, en Islande, au Groenland, en Norvège et j'en passe. Il mange plus ou moins 3% de son poids. Il mange plus particulièrement des otaries et beaucoup de poissons. Eh bien, cette semaine, n'oubliez pas que ce jeudi, vous aurez votre émission en wallon avec Jean-François et Jean-Paul. Et puis, vous aurez également l'émission de variété. Et puis, vous aurez l'occasion également à 18h de retrouver Étienne avec son émission sur thème de musique que vous aurez le plaisir d'écouter jeudi à 18h. Vendredi après-midi, Robert recevra qui je suis vraiment, et bien le métier de pompe funèbre. Soyez bien à l'écoute. Sans oublier vos jeux du mardi après-midi, si vous voulez gagner des places de cinéma, un seul numéro de téléphone qui le dit pendant son émission. Si vous avez un petit moment à consacrer à Radio Chevauchoir et à ses déplacements, eh bien, la journée du 4 août, nous serons à la ferme de Bamboisie chez Fabien et Jessica Van Rissel. Vous aurez un compte et caisse avec Fabien Van Rissel, le ref de Melinda 3. Un barbecue vous sera proposé le midi avec légumes et pommes de terre au prix de 20€. Et bien sûr, si vous voulez réserver, on peut partir en autocar. Il est grand temps de réserver. Pour savoir, réserver l'autocar et le tout sera de 48€ par personne. Ou vous pouvez y aller individuellement en voiture, mais vous pouvez réserver sur le numéro de compte de Fabien Van Rissel. Je vous donne son numéro de téléphone, le 0475 71 14 25, 71 14 25 si vous voulez plus de renseignements. Vous pourrez voir également le labourage, le fanage, à l'ancienne, les chevaux de Carmarguet et les chevaux de trait. Voilà une journée en perspective qui vous attend le 4 août à la ferme de Bamboisie. C'est dans les Ardennes belges. Si vous avez un petit moment à consacrer ce 4 août. Le 18 août, on vous propose une sortie, c'est le Radio Chevauchard avec le studio mobile pour Névremont, la kermesse, la fête de Névremont. Et là, vous pourrez réserver, si vous le souhaitez à Radio Chevauchard, votre repas, bien sûr, de 20€. Et ce sera également un barbecue pour Névremont. On commencera le matin avec Elliot Ness qui viendra nous jouer de la guitare des Shadows pour les personnes qui aiment cela à 11h. Et puis après, nous aurons Walter qui chante du Sardou que vous avez déjà écouté à Radio Chevaucheur, le cover de Sardou. Et ensuite, nous aurons un accordéoniste français. Il nous vient tout droit de la France, rien que pour Névremont. Et ici, il s'appelle Christian Gauchy et son orchestre qui sera là pour un thé dansant tout au long de cet après-midi du 18 août à Névremont. C'est la région de Fossaville, c'est pas tout près. Les vacances. Pendant les vacances, je fais rien. J'étais en vacances, je suis crevé, dis donc. Vive les vacances. Je veux partir au soleil, eh bien on en a du soleil. Je veux partir au soleil. De la musique et de la bonne humeur, c'est tout l'été sur Radio Chevauchoir. Et on vient d'écouter Fidèle, mais je vais vous passer avant l'apéritif musette, l'étoile semaine. Il s'appelle Stéphane Denis, Toi et moi. C'était l'étoile semaine de Stéphane Denis avec Toi et moi, que vous aurez le plaisir d'écouter cet artiste belge tout au long de la semaine. Voici votre apéritif musette tous les dimanches matin. Vous pouvez m'appeler par le numéro de téléphone que vous connaissez et le standard est ouvert. Nous fêtons aujourd'hui la Saint-Camille. Bonne fête à toutes les Camille qui nous écoutent. L'émission est parrainée par Robert Rey, fidèle de notre cavalière, Nicole de Star, Jacqueline et Michel de Bouge, Simone de Denis, Nicole d'Andois, Papy Georges, Gisèle de Jeff, Loulou d'Ivoire, Alain Denis, Mimi Crépé, Eliane de Profondeville, Bernard et Rose, Nicole et Jacques, Josette, Francine, Josette et Émile de Bioul et Karine et David. Merci, parrain et marraine.